Chapitre 20e. Si le colonel avait été surpris d'entendre Antoine lui demander son appui pour marier Thérèse, il fut stupéfait quand celui-ci lui proposa d'interroger Thérèse pour savoir d'elle si elle aimait quelqu'un et si c'était cet amour qui l'empêchait d'accepter Michel pour mari. Comment parler d'amour à cette jeune fille? Comment lui demander si elle aimait quelqu'un et qui elle aimait? Que dire si elle répondait franchement, pensant qu'il lui parlait en son nom? Sans doute, cela n'était pas probable. Les jeunes filles, si franches qu'elles soient, ne se résignent pas ordinairement à de pareils aveux. Mais enfin, ce n'était pas absolument impossible avec un caractère comme celui de Thérèse. Était-il sage de provoquer par des questions plus ou moins habiles une réponse que précisément on ne voulait pas connaître? Il se jeta donc dans des réponses évasives. Il était bien jeune pour une pareille confession. Il serait maladroit. Il n'obtiendrait rien, sans doute. « C'est possible, répliqua Antoine. Je ne dis pas que Thérèse voudra s'expliquer, mais je crois que nous devons cependant essayer. Quant à la question de jeunesse dont vous parlez, je ne la juge pas comme vous. C'est justement parce que vous êtes jeune que vous avez des chances de réussir là où j'ai échoué. On s'entend mieux quand on est jeune. Il y a une sympathie, une confiance, un abandon qu'on ne trouve plus lorsque les âges ne s'accordent pas. Enfin, comme je vous le disais, Thérèse a une amitié pour vous qui lui déliera les lèvres certainement, si elles peuvent être déliées. Croiriez-vous qu'elle lit maintenant les journaux pour savoir si vos chevaux de course ont gagné, car elle a su que vous étiez l'associé de monsieur le marquis de Lucilière? Comme nous parlons souvent de vous entre nous, elle nous tient au courant de ce que vous faites. Il paraît qu'elle a ses renseignements par journal appelé Le Sport. Comment est-elle arrivée à savoir qu'il y a un journal appelé Le Sport et à le lire? Je n'en sais rien, mais tout est possible pour les curieuses. Cependant, ce n'est pas tant la curiosité qui la guide que l'intérêt et l'amitié. Voilà pourquoi je vous parle de ce détail. C'est pour vous montrer quelle influence vous pouvez avoir sur elle. C'est à cette influence que je fais appel, mon cher neveu. J'espère que vous ne me refuserez pas votre concours. Vous pouvez beaucoup pour ma tranquillité, et vous qui mieux que personne savez quel est mon chagrin. Vous voudrez m'aider à me rassurer, au moins de ce côté. Le colonel finit par céder. Il faudrait, dit Antoine en le remerciant, que pour cet entretien vous fussiez assuré de la tranquillité du tête-à-tête, car Thérèse ne parlera, ne se livrera, que si elle est certaine de n'être pas entendue. Voulez-vous venir dimanche dîner avec nous au moulin flottant? Je m'arrangerai pour être seul avec Thérèse, et dès lors vous pourrez vous entretenir librement. C'était là un arrangement qui n'était pas du goût du colonel, mais que cependant il accepta, ne sachant trop quelle raison donner pour le refuser. Il subissait les ennuis des situations fausses, qui presque toujours nous entraînent à faire ce qui justement nous contrarie le plus vivement. « Alors, c'est entendu, » dit-il, « à dimanche, je vous rejoindrai sur les bords de la Marne. » « Soyez assuré que vous pouvez plaider la cause de Michel en toute conscience. C'est un brave cœur et un honnête homme. Avec lui, Thérèse sera heureuse. Si je la quitte, je saurai que j'ai mis son bonheur en bonne main. Si je reste, j'aurai la satisfaction de l'avoir heureuse près de moi, sous mes yeux, car notre vie ne sera pas changée, et nous continuerons d'être ce que nous sommes maintenant, tous ensemble, plus étroitement unis seulement. » Il fallut que le colonel demandât son congé à madame de Lucilière, car un dimanche, jour de course à Longchamp, elle eût trouvé mauvais qu'il ne fût pas auprès d'elle, non pas qu'elle dût être à lui inclusivement, mais elle tenait à l'avoir à ses côtés, dans sa cour. « Et où allez-vous dimanche ? » demanda-t-elle. « Passez la journée sur les bords de la Marne avec ma petite cousine. »« Vraiment ? Voilà les goûts champêtres qui vous envahissent, cher ami. Symptôme grave, savez-vous ? » Et elle le plaisanta avec plus de malignité qu'elle n'en mettait ordinairement dans ses railleries. Mais quand il lui expliquait les raisons qui l'avaient obligée à accepter la mission que son oncle lui avait imposée, elle l'approuva fort. « Je ne regrette qu'une chose, dit-elle en riant, c'est de ne pas vous voir dans votre rôle de confesseur. Mais je ne vous donne votre congé qu'à une condition. Vous me raconterez ce qui sera arrivé, même si vous ne réussissez pas, ce qui est probable. Et pourquoi est-ce probable? Je ne sais pas, un pressentiment. Enfin, vous me direz le résultat. » Le résultat, oui, mais non la confession. C'est entendu, homme austère et discret. Le dimanche, il partit pour les bords de la Marne. Et comme la première fois qu'il avait été à Gournay, il prit le chemin de fer jusqu'à la station de Chelles. En se retrouvant sur les bords de la rivière, l'aspect des arbres et des champs lui rappela qu'il y avait juste un an qu'il était venu là. cherchant comme en ce moment son oncle et Thérèse. C'était la même verdure grise du printemps, le même ciel pâle, le même temps douteux, sans froid et sans chaleur. Instinctivement, ses yeux coururent sur la rivière, cherchant le martin-pêcheur qui alors l'avait ébloui en rasant les eaux de son vol rapide. Mais le martin-pêcheur n'était pas là. Ce rayon lumineux s'était éteint, et il ne le retrouvait que dans son souvenir. Que de choses s'étaient passées dans cette année, en lui que de changements. Ce n'était plus pour savoir si Thérèse pouvait l'aimer qu'il venait, c'était pour tâcher d'apprendre si elle pouvait en aimer un autre. L'année précédente, il aurait été peiné de découvrir en elle un sentiment tendre pour Michel. Maintenant, il devait être heureux de l'existence de ce sentiment. Madame de Lucilière avait paru et, dans le tourbillon qu'elle avait créé autour de lui, tout avait été emporté, entraîné irrésistiblement. Mais aussi, pourquoi s'était-il approché de la belle marquise à l'étourdie, imprudemment, croyant qu'il pouvait jouer avec l'amour et qu'après s'être avancé, il serait libre de revenir en arrière? Au reste, ce n'était pas avec un sentiment de regret qu'il s'arrêtait à cette pensée. N'était-il pas heureux? N'aimait-il pas sa chère Henriette? Ne l'aimait-elle pas? Ah, s'il n'avait pas trouvé l'amour dans cette liaison, ce serait bien différent. Il pourrait avoir des regrets et des remords. Il pourrait souffrir de la démarche qu'il allait tenter. Ou plutôt, il n'aurait pas à en souffrir, car au lieu de plaider la cause de Michel auprès de Thérèse, il plaiderait la sienne propre. Au lieu de parler pour un autre, il parlerait pour lui-même. À mesure qu'il avançait en suivant la berge, il retrouvait tout dans l'état même où il l'avait vu pour la première fois. La rivière, avec ses longues herbes entraînées et tordues par le courant, les arbres avec leurs feuilles nouvelles, les champs avec leurs prairies ou leurs blés qui commençaient à verdir. Le moulin était toujours à sa même place, avec son toit moussu et sa roue immobile aux palettes verdies. Au pied du tremble où il avait aperçu son oncle, il le vit de nouveau, le bras étendu sur la rivière, tenant une ligne et allant lentement de droite à gauche pour suivre le bouchon que le courant entraînait. « Vous êtes exact, » dit Antoine en serrant la main de son neveu. « Je vous remercie d'être venu. Vous trouverez Thérèse dans l'Auzeray. Je crois que vous pourrez la faire parler, car elle me paraît aujourd'hui dans des dispositions mélancoliques qui doivent disposer à l'épanchement. Voulez-vous la voir? Volontiers. Vous allez la surprendre, car je ne lui ai pas dit que vous deviez venir. » Et, se dirigeant vers l'Auzeray, le colonel se demanda pourquoi Thérèse était mélancolique. Mais il n'eut pas le temps d'examiner cette question, car en approchant des osiers, il aperçut, accroché à une branche, une robe grise avec un petit chapeau de feutre, et il fut tout surpris de sentir son cœur battre plus vite. Quel contraste bizarre entre ce qu'il voyait et ses sentiments. Autour de lui, les choses matérielles exactement telles qu'il les avait vues l'année précédente, à ce point qu'on pouvait croire que le cours de la vie avait été suspendu. En lui, au contraire, un bouleversement complet. Il n'eut pas, comme la première fois, à chercher un passage pour pénétrer dans l'Auzeray. Et s'avançant doucement, en écartant les branches avec précaution, il aperçut Thérèse assise sur le gazon. Elle était vêtue d'un corsage blanc à manches qui lui montait jusqu'au cou et d'un jupon court qui laissait voir ses pieds chaussés de souliers. C'était exactement ainsi qu'elle lui était apparue l'année précédente. Mais, comme l'année précédente, elle n'était plus entourée de fleurs, d'herbes et de roseaux arrangés en gerbes et en bouquets. Sur le gazon, à portée de sa main, se trouvait un livre fermé qui disait qu'elle venait de lire, et dans ses doigts, elle tenait une grande marguerite, dont lentement et un à un, elle effeuillait les pétales blancs. « Elle arrivait au dernier. Pas du tout, » dit-elle à mi-voix. Il fit un pas en avant. Elle tourna la tête vers lui en levant les yeux. « Ah, mon cousin !» s'écria-t-elle, et vivement, elle jeta loin d'elle la marguerite. Alors son visage, qui tout d'abord avait trahi une certaine inquiétude, prit une expression souriante. Ainsi, dit-elle, c'est votre habitude de surprendre les gens. C'est de cette façon mystérieuse, à pas de chat, que vous m'êtes arrivé sur le dos l'année dernière. Vous vous souvenez donc de l'année dernière? Elle le regarda sans répondre, en posant sur lui ses grands yeux étonnés. Moi aussi, je m'en souviens, dit-il. Et en marchant le long de la rivière, je pensais que chaque chose était dans le même état, comme si nous étions au lendemain du jour où je suis venu ici pour la première fois. C'est en vous regardant tout à l'heure que j'ai remarqué le premier changement qui m'est frappé. En moi? Non en vous, mais autour de vous. Où donc sont toutes les fleurs que l'année dernière vous réunissiez pour les emporter à Paris ? Je n'emporte plus de fleurs. Vous ne les aimez plus. Mon travail en ce moment, dit-elle sans répondre à cette question directe, est changé. Depuis 2 mois, je fais des figures grecques, et j'en ai encore pour longtemps. Vos distractions sont aussi changées, il me semble. Vous avez remplacé les fleurs par les livres. Lire, dormir. Je voudrais que toute ma vie tînt dans ces 2 mots. Vous avez des chagrins, ma chère petite cousine. Elle s'était levée. Une fois encore, elle évita de répondre. Voulez-vous que nous nous promenions sur la rive ? Dit-elle. Pendant assez longtemps, ils marchèrent côte à côte sans parler. Il était embarrassé pour commencer l'entretien et chaque minute qui s'écoulait rendait son embarras plus pénible. Que dire ? Il fallait cependant qu'il parlât. « Je vous demandais tout à l'heure, dit-il enfin, si vous aviez des chagrins. Et je ne vous ai pas répondu, précisément. Ce que je n'avais rien à vous répondre. Quels chagrins voulez-vous que j'aie en dehors de ceux que vous connaissez ? C'est ce que je vous demande à mon tour, mon cousin. » Croyez bien que ce n'est pas la simple curiosité qui me fait parler, et que je ne reviens pas sur un sujet qui vous paraît pénible pour la seule satisfaction de vous interroger. Il me semble cependant que vous aimez beaucoup interroger. Vous rappelez-vous tout ce que vous m'avez demandé à cette place l'année dernière ? Je me rappelle aussi vos réponses. Et si vous le permettez, je voudrais aujourd'hui continuer notre entretien de l'année dernière. Mais je n'ai rien à ajouter à ce que je vous ai dit alors. Comment rien ? Rien ? Il se fit de nouveau un silence entre eux. Le colonel ne savait comment continuer son interrogatoire. Il aurait fallu une main de velours pour entrevrir cette âme de jeune fille, et il n'avait qu'une main de soldat, rude et malhabile, qu'il ne pouvait que la froisser et la blesser. Après quelques secondes de réflexion, son parti fut pris. Ce fut celui de la franchise. Il lui demanderait simplement ce qu'il voulait savoir et lui avouerait pourquoi il lui posait ces questions. Peut-être n'était-ce pas là un moyen bien adroit, mais en tout cas c'était le seul, à son sens, qui pût sauvegarder sa dignité. Il voulait bien plaider la cause de M. Michel, mais à condition que Thérèse saurait qu'il l'obligeait à parler. « Si je vous pose ces questions, dit-il, c'est que j'en étais prié par votre père. »« Ah, c'est à la demande de mon père que vous êtes venu. Et c'est elle qui vous a fait choisir ce jour. » Décidément, il ne ferait que des maladresses. Mais engagé dans cette voie, il ne pouvait pas revenir en arrière. Votre père, ma chère cousine, est tourmenté d'un désir dont l'accomplissement apporterait un grand calme dans sa vie. Il voudrait vous marier. Il m'a chargé de vous entretenir de ce projet, pensant que l'amitié que vous voulez bien me témoigner vous engagerait à ne rien me cacher des objections que vous pouviez avoir contre cette idée. Je n'en ai qu'une, je ne veux pas me marier. Vous ne voulez pas, au moins présentement. Vous ne vous souvenez donc pas de ce que je vous ai dit l'année dernière ? Est-ce que c'était au nom de mon père que vous m'interrogiez alors ? Non, c'était au mien. Eh bien, la réponse que je vous ai faite, je vous la répète. Mais vous ne m'avez pas dit l'année dernière que vous ne vouliez pas vous marier ? Vous m'avez expliqué les raisons qui, selon vous, rendaient votre mariage difficile. Voilà tout. Et même, en faisant le portrait de celui que vous vouliez pour mari, vous reconnaissiez, il me semble, que vous étiez prête à accepter ce mari quand il se présenterait. S'est-il présenté ? À votre père en désir un qui me paraît réunir en lui des qualités sérieuses. Que vous ai-je dit à cette place même, devant ce sol, quand, me demandant si près de moi ne se trouvait pas un mari, vous m'avez nommé Michel ? Que Michel avait à vos yeux toutes sortes de qualités, mais qu'il avait aussi un défaut qui était d'être votre camarade. Les conditions dans lesquelles Michel se trouvait alors ont-elles changé ? Non. Eh bien, pourquoi voulez-vous que j'aie changé moi-même ? Ce que Michel était pour moi, il l'est toujours. Un camarade, un ami, un frère, rien qu'un frère. Tenez, puisque vous avez abordé cet entretien, je voudrais aller jusqu'au bout et vous dire ce que je n'ai pas pu dire à mon père. Assurément, je comprends les raisons qui lui font désirer mon mariage, et je vous jure que je voudrais pouvoir lui donner satisfaction. Mais est-ce ma faute si je n'aime pas celui qu'il voudrait me donner pour mari ? Il a toutes les qualités, tous les mérites, je n'en disconviens pas. Mais suis-je en état de sentir et d'apprécier ses mérites ? Que suis-je ? Une petite fille. Et les qualités qu'il me faudrait pour admettre que celles de Michel doivent me donner le bonheur ne sont sans doute pas nées encore en moi. Qui sait ? Elles naîtront peut-être. Je n'ai que 17 ans, mon cousin. Est-ce que vous croyez qu'il est bien sage de vouloir à cet âge m'imposer un mariage ? Je n'aime pas Michel aujourd'hui, mais je peux l'aimer demain. Pourquoi ne pas attendre que cet amour soit né ? Parce que votre père voudrait voir ce mariage se faire le plus tôt possible. Tout de suite, il ne se fera pas. Et plus tard ? Ah, plus tard, qui peut savoir ce qui se passera plus tard ? À ce moment, un éclair attira les yeux sur la rivière. C'était un oiseau qui, rapide comme une flèche, l'avait traversée. « Ah » dit-elle, « le Martin pêcheur, notre Martin pêcheur de l'année dernière, vous souvenez-vous ? C'est ici même que nous sommes revenus sur nos pas pour retourner au moulin flottant. Il faut en faire autant aujourd'hui. Père nous y rejoindra, et s'il nous fait attendre pour passer le temps, vous me balancerez. Car vous savez, personne ne balance aussi bien que vous, aussi haut, aussi fort, et en même temps aussi doucement. Voilà une qualité sérieuse, au moins pour une fillette de mon âge. » Il voulut reprendre la question du mariage, mais ce fut inutilement. Chaque fois, elle détourna l'entretien. Alors, il n'insista plus. Il avait fait ce qu'il avait promis. Ce n'était pas de sa faute, si elle ne voulait pas de Michel pour mari. Et au fond du cœur, il éprouvait comme une sorte de satisfaction de ce refus. Pourquoi ? Ils arrivèrent au moulin flottant et la balançoire l'empêcha d'examiner froidement cette question.